بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال 33 question. يقول سئل الشيخ رحمه الله تعالى: ما أدري حكم أن يسمى شخص بأسماء الله كأن تقول لفلان العزيز لا على أنه صفة وإنما على أنه اسم. Donc la 63e question. Le questionneur dit au shir qu'il ne sait pas est-ce qu'il est permis de nommer quelqu'un par un nom qui est parmi ceux d'Allah Azzawajal. Et sans non plus vouloir que cela soit un attribut de la personne. Par exemple, quand on dit un tel Al-Aziz. Le Aziz, ça veut dire le puissant. فأجاب رحمه الله تعالى أقول لك في جواب على هذا أسماء الله نوعان. Donc le shir dit, la réponse que je vais te donner, c'est que les noms d'Allah Azza wa Jal sont de deux sortes. نوع مختص به لا يجوز أن يسمى به غيره مثل الله الرحمن الجبار المتكبر هذه لا يجوز أن يسمى بها أحد من الخلق لأن هذه الصفة لا يتصف بها غيره. Donc il a dit, première catégorie de noms, il y a ceux qui ne sont spécifiques que à Allah. Comme par exemple, le dire Allah, Ar-Rahman, Al-Jabbar, Mutakabbir, qui est l'orgueilleux. Il a dit, ces noms-là, on ne peut nommer autre que Allah avec, car ils englobent un attribut qui est propre à Allah seulement. On ne peut pas l'attribuer autre que lui. Donc on ne peut pas nommer quelqu'un par un de ces prénoms-là, parmi la créature. قال ونوع آخر لا يختص بالله ويجوز أن يسمى به غيره فهذا إن كان ملاحظا في الصفة بمعنى أنه يراد بهذا الاسم ما يدل عليه من المعنى فهذا لا يجوز كما لو سمينا شخصا بعزيز وقصدنا بهذا أن له الغربة والعزة والارتفاع بين الناس فهذا لا يجوز. Il a dit, il y a l'autre sorte de noms, ce sont ceux qui ne sont pas spécifiques à Allah seulement. Donc cela, il est permis de nommer autre que lui par ces noms-là. Sauf si on constate que cette nomination est basée sur le fait de ressortir l'attribut sur la personne. Par exemple, c'est comme si on nommait quelqu'un par Aziz. Aziz qui veut dire puissant. Et nous, on vise par cela le fait que c'est une personne qui soit puissante pour de vrai, qui est le Dieu sur les gens, qui soit plus haute que les gens. Alors à ce moment-là, il n'est pas permis de nommer cette personne Aziz par rapport à l'attribut. Il dit Amma ize qasida bihi anna mujarrad alaman ou alamin la yuksadu bihi shay'un min al-ma'na fa hadha la ba's. Antum ta'lifun anna fi as-sahaba man kana yusamma hakima wa man yusamma al-hakam. Par contre, si on vise par cela un simple nom propre, Aziz, sans regarder le sens, par rapport à l'attribut auquel on voudrait qualifier la personne, alors il n'y a pas de mal. Et il dit, vous savez, par exemple, parmi les Sahaba, certains qui s'appelaient Hakim. Hakim qui veut dire sage à la base. Et Al-Hakim, min asma'illah. Al-Hakim, c'est parmi nom d'Allah. Ou certains qui se nommaient Al-Hakam. Qui a le sens de arbitre, juge également, et autres. Ou Masalan, quelqu'un l'appelle Rahim. Tout cela c'est permis. D'accord, cela est permis. Et aussi, dans une autre question, l'auteur met en attention le fait que si jamais un de ses prénoms commence par L, qui en français se traduirait par le. Par exemple, Ar-Rahim. Ou Al-Hakim, par exemple. Et quand il y a elle, il dit qu'il ne faut pas nommer avec une créature. Quand il y a elle qui rentre dans le sens de la spécificité, il ne faut pas nommer une créature avec. Bien que dans le Coran, Allah Azza wa Jal a nommé la femme, ou plutôt celui qui a trouvé Youssouf, Al-Aziz. Maintenant, est-ce que c'était un surnom? par rapport à ce statut d'homme de pouvoir, ça je ne sais pas. Mais dans le Coran, Allah l'a nommé Al-Aziz. Wa qalat imratun Aziz. L'auteur, dans une question suivante, il le dit que si il y a elle, il ne faut pas nommer une créature avec. Allahu ta'ala alam, fa'azal ladhi arana al-yawm. A kadhalik, ça nous dit, fa'as-su'al as-sadis wa sittin. 56e question. Su'ila al-shaykh wa rahmallahu ta'ala, fi ahd al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi al-medina, gharati as'ar. Faqala as-sahaba, ya rasulullah, sa'ir lana. Faqala al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna allaha wa al-musa'ir. Al-qabidu, al-basit. الرزاق أو الرازق الحديث فهل يجوز تسمية الله عز وجل بالمساعر؟ Donc il a dit dans cette 70e question qu'à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam les prix étaient montés et les sahaba ont dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam établez-nous des prix, c'est-à-dire pour les marchandises dans le commerce, et il a dit c'est Allah qui est le musa'ir. Musa'ir, c'est celui qui établit les prix, qui donne la valeur des choses, c'est lui qui retient, celui qui octroie et c'est lui qui donne la subsistance. Al-Qabid, Wal-Basit, Wal-Raziq. Donc, est-il permis de nommer Allah par Al-Musa'ir? Par Al-Musa'ir, qui est celui qui établit les prix, donne la valeur. Fa'ajaba rahmallahu ta'ala, alladhi yadhhar li anna hadha min sifati al-af'al, yani Allah wa alladhi يغلي والأشياء ويرخصها فليس المساعير من الأسماء وهذا الذي يظهر لي لكننا يكفينا أن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المساعير أو نقول اللهم أنت المساعير فرخص أسعارنا ونحو ذلك. Il dit, ce qui m'apparaît à moi, c'est que cela est parmi les attributs liés aux actes, c'est-à-dire que c'est Allah qui donne la valeur aux choses ou qui la retient. Et donc, pour lui, Al-Musa'ir n'est pas un de ses noms. Mais c'est son avis à lui. Cependant, il dit, il nous suffit de dire, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que Allah, c'est lui, le Musa'ir, dans le sens, c'est lui qui établit les prix. Donc, dans le dua, on peut dire, « Oh Allah, c'est toi qui mets les prix. Donc, réduis les prix pour nous. » Et autre que cela. Donc, ça, c'est l'avis de l'auteur. Et d'autres ulama voient que Musa'ir, c'est parmi ses noms. Comme le Mashir du Yémen. Et c'est ce qui apparaît, parce que dans le hadith, il dit, إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق اي الباسط فمن لون الله الرازق كذلك. Donc dans le hadith tous sont venus dans un même sieq, dans un même sens, dans un même cours de phrase. Donc il apparaît que le musa'ir également peut être considéré comme l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.